Mimésis. Chapitre 18. Aveu. Sur son sofa, le PDG se prélasse, une télécommande à la main. Il la pointe vers l'une des filles, qui se trémousse aussitôt de plaisir. L'autre s'esclaffe en le dévorant du regard. La première ôte son haut. La seconde est déjà seins nus, et toutes se nichent contre son torse qu'elle couvre de caresses et de baisers. Lui n'y trouve que peu d'attrait. Sa passion est tout autre. Et le voici qui se lève aux grandes dames des boudeuses. Patience, mesdemoiselles. L'homme se dirige vers sa bibliothèque. Il saisit un coffre duquel il extrait un ensemble de cordes de chanvre. Les filles jouent un temps les étonner, mais se font soumises quand il achève de les déshabiller. Le voici qui enserre leurs épaules d'une première corde. La chaleur douce de la fibre électrise leur peau. Les filles se cambrent, voudraient qu'il serre davantage. Chaque nouvelle entrave est ajoutée judicieusement, sans jamais blesser, jusqu'à former comme une sculpture complexe de fil et de chair. Ensemble nouées, les deux femmes exposent à la vue leur tréfonds, que vient scier un dernier lien accroché à l'un des anneaux du plafond. Soudain, l'homme recule d'un pas, puis tire de toutes ses forces, ce qui suspend les captives à près d'un mètre du sol. Son jeu à lui, c'est de les faire tourner sur elles-mêmes et de les admirer des minutes durant. Là, s'interdire de les caresser, ne jouir que par la pensée. Pour cette fois, il les bâillonne, c'est plus drôle. Mais le tableau est encore incomplet. Qu'on l'excuse un instant, il doit gagner sa chambre. J'en profite pour sortir de la penderie, l'arme au poing. En me voyant, les putes s'agitent, gigotent au bout de leur ficelle. Le mec est clairement un psychopathe, mais je les détache pas tout de suite. En un sens, ça m'arrange qu'elles puissent pas s'enfuir et rameuter du monde. Quand le PDG réapparaît, un couteau de cuisine entre les mains, je le braque tout de suite. J'aimerais qu'Ariane puisse voir sa tête, livide, et cette moue plus contrariée que coupable. Un sale gosse privé de son jouet. Mais il ne lâche pas sa lame pour autant. Première sommation. Il me demande qui je suis, comment je suis entré, cherche pas à m'embrouiller et lâche ce putain de couteau. Voilà, pose-le au sol. Éloigne-toi. À genoux maintenant. Je m'approche sans cesser de le tenir en joue. Je vois bien qu'il lorgne sur sa lame, qu'il cherche dans sa tête un moyen de se soustraire, et puis... on me la fait pas. Du pied, j'envoie l'arme hors de sa portée, me jette sur lui et le plaque violemment au sol. Le canon froid de mon flingue contre sa nuque, le mec fait moins le malin. Je le maintiens d'une clé de bras, l'attache avec ses propres cordes. Viens mon beau, on va dans ta chambre. On sera plus tranquille pour causer. Pas besoin de se faire prier. Dès le premier coup, le mec se transforme en vrai moulin à paroles. Mais rien de ce qu'il dit n'a de sens. Il me remet pas un seul instant, me jure qu'il n'a rien à voir dans cette histoire. Je lui rappelle ma visite chez VR Corp, les visages floutés sur la vidéo, ses menaces à peine voilées dans son bureau. L'homme persiste et signe, à croire que j'ai pas affaire au même type. Mais moi, j'oublie pas un visage. Tu me laisses pas le choix, mon vieux. Je sors de mon manteau la petite boîte noire en plastique, dont je fais sauter le seau. À l'intérieur, une seringue intradermique, comme celle dont on se sert durant les interrogatoires. Un sérum de vérité, en quelque sorte. Dès qu'il voit que je vais le piquer, le PDG prend peur. Dans ses yeux, je reconnais la détresse d'un mec aux abois. Je ne peux pas retenir un petit rire satisfait. Maintenant, ça va devenir intéressant. J'attends quelques minutes que le sérum fasse effet. C'est daté, l'homme se fait bien plus docile. Je vais même jusqu'à le détacher, non sans le menacer du plat de mon arme, des fois qu'il lui prendrait l'envie de me faire faux bond. Je le saisis par l'épaule et le force à m'ouvrir son bureau. La serrure biométrique cède en un rien de temps. La pièce est presque dépourvue de meubles. Une chaise, une plante, un buste en marbre sur le secrétaire. Je lui demande où sont ses dossiers. Il m'indique un de ses tiroirs. Dedans, un coffre en métal. J'aurais dû m'en douter. Une paire de lentilles connectées. Je m'en équipe. Elles ne reconnaissent pas mon iris, refusent de s'allumer. En cas d'erreur, on peut toujours s'identifier en effectuant une série de mouvements oculaires. Vas-y, donne-moi le code. T'as pas intérêt à me la faire à l'envers. Je me retrouve projetée dans un monde vide. Une sorte de chambre blanche aux parois informes. Une quarantaine. Je ne suis pourtant pas dangereuse. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je suis contente de retrouver l'inspecteur. Lui aussi a l'air ravi de me voir. Ou peut-être soulagé. Viens, que je te déleste de tout ce poids qui t'encombre. Nous touchons au but, tu le sens? Ariane est là. Je suis si heureux de la revoir. Elle m'aide d'abord à fouiller les archives, fait défiler les informations à vitesse grand V. Des rapports comptables, des correspondances secrètes, le nom de grands responsables politiques, toute info est bonne à prendre. Et là, enfin, ce dossier a mon nom. Dedans, tout est consigné. Ma vie, mes peines, la mort accidentelle de ma fille, jusqu'à mes états de service, je comprends pas. Comment et pourquoi? À mes côtés, Ariane sursaute. Sa bouche, grande ouverte, et son doigt, pointé dans le vide. Le choc du premier coup m'envoie au tapis. Contre moi, je sens un corps qui se jette, des mains qui cherchent ma gorge. Je me débats, aveugle, sans savoir comment me dégager. Mon adversaire est comme un animal en rage. Ses gestes sont pâteaux mais sans retenue, destinés à tuer. Les coups pleuvent. On me griffe, me gifle, me mord même. J'ai peur. Je frappe au hasard, essaye de saisir un bras, une jambe. L'homme halète. Je sens son souffle tout près de mon visage. En roulant sur le côté, j'arrive à me défaire de son emprise, me lève. Il se jette sur moi à nouveau, me plaque contre son bureau. Dans mon dos, je sens le marbre du buste qui me brise les reins. J'aurais pas de seconde chance. Le corps me tombe dessus de tout son poids, et son crâne frappe le mien dans sa chute avec fracas. La souffrance est telle que je vacille. Ma vue se brouille, je suis pris de vertige. Mes cuisses se mouillent d'un liquide chaud, je me suis pissé dessus. Ariane se penche sur moi, les yeux embués. Ce sera pour une autre fois, ma belle.